aller, t'as une femme aux yeux verts. Toi, tiens son bleu et je mine noir. J'imaginais le teint bronzé en hiver. Et j'ai craqué pour ton joli mine noire. T'aimerais rester tranquille à la maison, cela quelle que soit la saison. Alors que moi j'aime sortir dès que j'en ai l'occasion. Tu es la sagesse, la raison. Tu es patience et compassion. Alors que je vis au jour le jour avec passion. C'est toi que j'ai choisi pour partager ma vie. Et bien que l'on soit si différent, c'est toi que j'ai choisi pour partager ma vie. Et bien que l'on soit si différent, c'est toi que j'ai choisi. Pa-da-pa-pa-pam. Pa-da-pa-pa-pam. Pa-da-pa-pa-pam. C'est toi que j'ai choisi. Tu es quelqu'un de calme et posé. Et moi je ne tiens pas en place. Je suis du genre à tout oser. Toi tu es timide et tu t'effaces. Tu aimes les films, moi les séries. Je sais quand tu m'appelles mon chéri. Parfois j'ai le sentiment que tout nous oppose. Tu es très proche de ta famille. Moi ma famille sont mes amis. Je vois la vie en noir quand tu la vois en rose. C'est toi que j'ai choisi pour partager ma vie. Et bien que l'on soit si différent, c'est toi que j'ai choisi pour partager ma vie. Et bien que l'on soit si différent, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi.